Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de football. On sait que toutes les semaines, on a une chronique avec des joueurs de football du Haut du Lac qui participent ou qui jouent actuellement avec soit les Gaillards, soit également les Cougars ou encore les Genois. Et cette semaine, on parle des Cougars de Chicoutimi. On parle avec Mathieu Larouche qui est natif de Saint-Prime. Et question un peu de savoir un peu comment que ça va son année. On lui parle. Salut Mathieu. Salut. Mathieu, si on parle un peu de ta saison, comment ça va présentement? Ouais, ça va bien, mais c'est sûr que ça pourra aller mieux encore. OK. Si on parle un peu de la formation, quand tu dis que ça va mieux, c'est sur quoi que tu penses? T'es pas content de ta saison, quoi? Sur un plan personnel, je trouve que c'est quand même pas si mal. Mais c'est sûr, sur un plan collectif, on pourrait toujours faire mieux. OK. On va chercher plus de victoires. OK. On veut participer aux séries, donc c'est ce qui compte. Parce que là, c'est pas assuré de participer aux séries, là, hein? Non, c'est ça. Faut mettre les bouchées doux. OK. Là, il vous reste deux matchs au calendrier régulier. Est-ce que ça pourrait absolument deux victoires? Il nous reste trois matchs. OK, trois matchs, OK. Ouais. Je sais pas exactement. Ça va dépendre des autres équipes aussi, là, comment que le classement. OK. Sur l'aspect individuel, comment tu te trouves? Est-ce que tu connais une bonne saison? Je connais une bonne saison quand même, mais c'est sûr que j'ai des points améliorés comme tout le monde, puis on travaille fort là-dessus. Okay. Et c'est quoi ces points? C'est surtout des points techniques par rapport à ma position, les lectures de jeu, etc., les plaqués. OK. Si on parlait maintenant un peu de du côté de ça fait combien de temps que tu joues pour les Cougars? C'est ma deuxième année. OK. Donc, il te reste encore 3 ans, c'est ça? Ça dépend. Moi, je fais une technique, donc il me resterait une année l'année prochaine. OK. Est-ce que tu veux jouer encore avec est-ce que tu veux te rendre au niveau universitaire? Pour l'instant, c'est pas dans ma ligne de vue, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. OK. Donc jusqu'à maintenant, est-ce que ça a été difficile l'adaptation au niveau collégial? Un joueur qui part de Saint-Félicien, qui a les études, qui a également le football, ça doit être assez spécial, hein? C'est sûr que c'est une bonne couche là, entre le niveau secondaire et collégial, mais tu finis par t'adapter. Là. Le langage est différent, l'ambiance aussi, l'école, c'est pas pareil. Mais je pense que c'est une bonne adaptation qui se fait bien. On est bien encore de ça. OK. Mathieu, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le reste de l'année. Donc, on espère évidemment que tu vas faire une belle carrière au football. Merci beaucoup. Mathieu Larouche de Saint-Prime qui s'aligne avec les Cougars de Chicoutimi.